Yo. Yeah. Yo. Dollar make that cash, bitch. J'pète pas dragon quand j'te dis j'pète le feu. J'suis pas has-been comme tous ces emmerdeux. J'suis pas comme vous hein, là, je brille pas aux cieux. Et dès mon jeune âge, j'ai su que j'allais les vieux. Big up à ceux et celles qui sont retard. Haters are funny man, stay on your guard. No matter what, you're gonna claim your discard. Don't play pushies, I got no credit card. Hey tout le monde, ah ouais, réveillez-vous. Le gouvernement nous prend pour des joujoux. J'te parle pas de bien quand j'te dis j'pète la broue. J'pète mes bretelles, jamais j'parle rien fou. J'ai passé la marque quand j'suis ses réseaux. Moi j'suis un king, toi t'as tous les défauts. Check-moi les yeux, tu vas voir, j'suis pas ton bro. C'est quoi ton vœu de mémoire, c'était gros lot. J'suis comme Indiana Jones, je cherche les trésors. Comme Buzz Lightyear, l'infini loin encore. Quand j't'en accord, j'te parle pas de guitare. Mais moi j'suis un real fuck you, tous ces remords. Je veux du bread et des nouvelles aides. La moustache raide, mais je suis pas net. Up in the bed, toi bitch t'es dead. Check dans ta head, j'entends dans le bled. La tête dans le vide ou sur les nuages. Je n'ai pas de ride, jamais j'tourne la page. J'ai l'impression d'être pris dans une cage. J'suis mon étoile, on me surnomme le roi mage. J'suis vers la cime, vous n'êtes pas ma mère. Je joue pas au mime, lui que j'suis pas ton père. Fais les rimes, va falloir te taire. J'suis pas une victime, tu commences à me plaire. Non, j'peux pas de con quand j'te dis j'fais des bords. J'fume beaucoup de smoke, mes poumons doivent être noirs. C'est pas une joke, j'me rapproche des vieillards. Oublie pas de joke, écrase-toi, il se fait tort. Yeah.